الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، ألو الله سبحانه وتعالى qui nous a fait grâce en nous permettant d'atteindre ce mois béni de Ramadan. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter à tous l'accomplissement des œuvres pieuses en ce mois et de nous permettre de le compléter dans le bien et la piété. Le musulman, il se doit d'être constamment dans le bien. Surtout si Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait grâce en lui permettant d'atteindre ce mois de Ramadan ou autre période propice à l'adoration. C'est un grand bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala te permette de profiter de ces occasions et de les compléter dans ce qui est légiféré. Contrairement aux gens de la privation, ceux qui se privent eux-mêmes volontairement du bien, leur vie n'est qu'à leur source de peine et de malheur. Les jours et les mois passent, les saisons propices à l'adoration passent, et ils restent dans l'insouciance, et ils continuent de se détourner. Donc, ton temps, soit tu l'utilises dans le bien, et alors ceci sera profitable pour toi, soit tu l'utilises dans le mal, et ceci sera nuisible pour toi. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, « Chaque homme sort le matin pour faire commerce de son âme, ou bien il la sauve et la franchit, ou alors il la fait périr. » Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas faire partie de ceux qui font périr leurs propres âmes. L'homme, il doit donc éduquer sa personne. Il doit éduquer son âme et en prendre soin. En prendre soin en l'éduquant au bien, en la purifiant par l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et en la poussant vers tout ce qui est profitable. Si tu fais cela, alors tu auras pris soin de ton âme de la meilleure des manières, pour ta propre personne, mais aussi pour les autres, car en faisant cela, tu seras un modèle exemplaire, incha'Allah ta'ala. Alors que celui qui néglige sa personne, alors il ne prend pas soin de son âme, et il ne pourra en aucun cas prendre soin et préserver autrui, car il a négligé sa propre personne. Il a laissé son âme dans les péchés, dans la désobéissance et dans la fainéantise et la paresse. Il a alors perdu sa propre âme, et celui qui perd sa propre personne, comment pourrait-il préserver autre que lui? Ton âme, c'est la chose la plus précieuse que tu dois préserver. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, dans Surat al-Shams, « Wa nafsin wa ma sawwaha » et par l'âme, et celui qui l'a harmonieusement façonné. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا et il lui a inspiré sa perversion et sa piété. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا et a réussi celui qui la purifie. C'est-à-dire, celui qui purifie son âme de tous les péchés et de toutes les désobéissances à Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui la purifie en la complétant par l'accomplissement des obéissances et des œuvres pieuses ainsi que des bonnes actions. Celui-ci est celui qui a purifié son âme. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا et a perdu celui qui la corrompt. C'est-à-dire qu'il a corrompu et qu'il la souille par les péchés et les mauvaises actions. Il est négligent et il abandonne son âme à ce qu'elle désire. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre « يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى » le jour où l'homme se rappellera à quoi il s'est efforcé. « وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى » et que l'enfer apparaîtra à celui qui voit. C'est-à-dire que l'enfer deviendra visible. L'homme verra l'enfer en ce jour de ses propres yeux. Dans ce bas monde, on ne voit pas le feu. Nous n'avons pas vu le feu de l'enfer qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans son noble livre. Mais ceci fait partie du monde d'Al-Ghaib, le monde de l'imperceptible ou de l'invisible. Nous y croyons, nous avons la ferme conviction que l'enfer existe, et c'est pour cela que nous accomplissons des œuvres nous permettant de nous préserver du feu de l'enfer et de nous écarter du feu de l'enfer, malgré que nous n'ayons pas vu l'enfer. Cependant, dans l'au-delà, l'enfer apparaîtra, et l'homme verra l'enfer de ses yeux. L'enfer sera en face de lui. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ et l'enfer apparaîtra. Après avoir fait partie du monde de l'invisible et après avoir été caché de nos vues, l'enfer apparaîtra et sera visible devant les gens et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. فَأَمَّا مَنْ تَغَى Quant à celui qui a dépassé les limites, وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا et aura préféré la vie de ce bas monde, فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى Alors l'enfer sera son refuge. Et quel mauvais refuge! Son refuge sera l'enfer, et il n'aura d'autre refuge que celui-ci. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en protéger. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ Quant à celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur. Il a eu peur dans ce bas monde de la rencontre de son Seigneur. Il a eu peur du jour où il se retrouvera debout devant Allah subhanahu wa ta'ala pour rendre compte de ses œuvres. Car tout serviteur se retrouvera un jour devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il sera debout devant lui pour lui rendre des comptes. Allah subhanahu wa ta'ala lui demandera compte de ses œuvres. Man khafa maqama rabbihi, celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur, c'est-à-dire qu'il aura eu la peur de son Seigneur dans ce bas monde, et qu'il aura œuvré dans ce but-là. Il aura œuvré et se sera préparé à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà. وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى Et il a interdit à son âme la passion. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى Alors celui-ci, le paradis sera son refuge. Cela sera sa demeure éternelle. Un paradis aussi large que les cieux et la terre. Quant à l'enfer, et le refuge est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un endroit très étroit. C'est un endroit exigu, rude, où ses habitants ne connaîtront que douleur et souffrance. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Donc celui qui a préservé son âme de la passion, le paradis sera son refuge. Il ne désirera pas en sortir, mais le paradis sera sa demeure éternelle. Celui qui a redouté la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui a œuvré pieusement pour ce jour-là, alors il n'espérera pas sortir du paradis, car le paradis sera sa demeure éternelle. Voici donc la différence entre celui dont le refuge est le feu et celui dont le refuge est le paradis. Et il n'y a pas de doute que cette différence est une différence immense, une différence inimaginable. C'est ainsi que se diviseront les créatures au jour de la résurrection. فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ Un groupe au paradis et un groupe dans la fournaise ardente. Et quelle est la cause de cette division? Quelle est la cause qui a amené ce groupe au paradis et qui a amené ce groupe à la fournaise ardente? La cause, ce sont tes œuvres. Ce sont tes œuvres que tu accomplis dans ce bas monde. Ou bien tu accomplis le bien, alors tu seras du groupe qui entrera au paradis. Ou bien tu accomplis le mal, alors tu seras du groupe qui sera dans le fournaise ardente. Allah subhanahu wa ta'ala, il a accordé à ses serviteurs croyants des moments durant lesquels ils se rapprochent de lui par les obéissances, par les œuvres pieuses, par l'adoration. Ils accomplissent durant ces moments ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a prescrit. Ils obtiennent ainsi le succès et l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils rentreront ainsi au paradis au jour de la résurrection. Quant à ceux qui auront négligé ce que leur Seigneur leur a enjoint, et qui ont suivi leurs passions, qui ont suivi leurs désirs, et qui ont délaissé les prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala, en commettant ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, alors Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il leur a réservé? Il leur a réservé نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَ Un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ Surveillés par des anges rudes et durs, La يَحْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ Ils ne désobéissent jamais à Allah en ce qu'il leur commande et ils font strictement ce que l'on leur donne. Voici donc la destination finale de celui qui a négligé les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, de celui qui ne s'est pas soumis au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Son refuge sera l'enfer et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Chers frères, tu as atteint ce mois béni de Ramadan. Les portes ont été ouvertes. Les voies vers le paradis te sont facilitées durant ce mois. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim d'après Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Lorsque le mois de Ramadan arrive, les portes du paradis sont ouvertes. Les portes de l'enfer sont fermées et les démons sont enchaînés. Donc, les portes de l'enfer, elles t'ont été fermées. Les portes du paradis, elles ont été ouvertes pour les croyants. Les croyants, les portes de l'enfer leur sont fermées durant ce mois. C'est pour cela qu'ils s'empressent à l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils se dirigent vers Allah subhanahu wa ta'ala en lui obéissant, en l'adorant, en lui vouant un culte exclusif, car les portes du paradis leur ont été ouvertes. Quant aux malheureux, alors les portes de l'enfer restent tout le temps ouvertes pour eux, car ils ne connaissent pas ce moi, ni autre que lui. Leur seul souci, ce sont leur ventre et leurs désirs, et ce qui leur permet d'atteindre leur plaisir dans ce bas monde qui est éphémère. Ces gens-là, ces malheureux, ils ne donnent pas à ce moi sa juste valeur. Tous leurs jours et tous leurs mois ne sont que source de perdition pour eux, alors qu'ils ont pourtant la raison, qu'ils jouissent de la raison, de la vue et de l'ouïe. Le chemin leur a été indiqué, mais ils ont fermé les yeux face à cela. Ils ne profitent pas de leur cœur, ils ne profitent pas de leur ouïe, ils ne profitent pas de leur vue et ils ne profitent pas de leur raison. C'est pour cela qu'au jour de la résurrection, qu'est-ce qu'ils diront ? Law kunna nasma' aw na'qil ma kunna fi ashab as-sa'ir. Si nous avions écouté ou raisonné, nous ne serions pas parmi les gens de la fournaise. C'est-à-dire, si nous avions écouté et accepté, et que nous avions utilisé nos raisons pour comprendre, alors nous ne serions pas dans la fournaise. Ils ont des raisons, ils ont l'ouïe, mais ils n'en profitent pas, et c'est pour cela qu'ils ont fini dans la fournaise. Si seulement nous avions écouté, une écoute qui nous aurait permis de profiter de ce que l'on écoute, et que nous avions raisonné, c'est-à-dire une raison qui nous aurait permis de comprendre, nous n'aurions pas été parmi les gens de la fournaise. Car ceux qui sont dans la fournaise, ce sont des gens qui sont sourds face à la vérité et aveugles face à la vérité. Ils ne tiennent pas compte des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ferment les yeux et se bouchent les oreilles face au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ne profitent donc pas des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne profitent pas de leur oui, ils ne profitent pas de leur vue, mais ils s'égarent et délaissent le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils délaissent les voies menant au paradis durant ce mois et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Pour résumer, sachez donc que ce mois est une occasion immense. Une occasion immense pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une occasion immense pour te repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois donc saisir cette occasion. Tu dois donc profiter de ce mois pour revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Invoque Allah et demande-lui de t'aider à accomplir des œuvres pieuses durant ce mois. Invoque Allah et demande-lui d'accepter tes œuvres durant ce mois et de te rajouter de ses bienfaits. Car certes, celui à qui Allah a permis de profiter de ce mois et qui lui a permis d'atteindre ce mois et d'en profiter dans l'accomplissement des œuvres pieuses, il lui a certes accordé un bienfait immense qui n'a pas d'équivalent. En effet, si tu as atteint ce mois et qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a permis de profiter de ton temps dans son adoration, alors sache qu'aucun bienfait n'équivaut à ce bienfait. Même les millionnaires, ceux qui possèdent des grands immeubles et de nombreuses richesses dans ce bas monde, leurs richesses n'équivalent pas à ce mois pour celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé la réussite. Même si tu ne possèdes rien de ce bas monde, même si tu ne possèdes pas un centime de ce bas monde, si Allah subhanahu wa ta'ala t'a fait grâce en te permettant d'atteindre ce mois et de profiter de ce mois dans son adoration, alors c'est toi le gagnant. C'est toi le vrai commerçant. C'est toi le vrai riche. Le vrai riche, ce n'est pas celui qui possède les biens de ce bas monde. Car s'il néglige l'au-delà, alors en réalité, c'est un besogneux. C'est un pauvre. Car s'il néglige l'au-delà, il aura perdu ce bas monde et l'au-delà. Car ce bas monde, il n'est la propriété de personne en réalité. Ce bas monde, ce n'est qu'un lieu de passage. Il n'est comme un pont que l'on traverse et il n'appartient à personne. Il est comme un chemin que tu empruntes et que tous les gens empruntent et qu'ils laissent tous derrière eux. Personne ne possède ce bas monde en réalité. Nous ne sommes que de passage dans celui-ci pour prendre nos provisions pour l'au-delà. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de m'accorder la réussite ainsi qu'à vous et de nous faciliter à profiter de notre temps durant ce mois béni de Ramadan. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la multiplication des œuvres pieuses durant ce mois et de nous accorder son repentir, de nous aider à nous repentir des péchés et des mauvaises actions. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana أن الحمد لله رب العالمين.